Bonsoir, bonsoir. Léa, Coucou. est-ce que tu m'entends? Salut Oui, je Léa, ça t'entends va très bien? bien. Oui, ça va et toi? Parfait, parfait. Bah très bien, par ce beau temps. Oui, ça fait trop Et toi plaisir. alors, Eh bien. malgré ce beau temps, tu es tombée un peu malade? Oh là là, horrible. Je ne sais pas si ça Si. s'entend là quand je parle. Pour Mais l'instant, j'ai non. une nez bouchée. Non, ça va? Ouais. Parce que j'ai un peu Non, une voix de merde, j'ai une nez là. bouchée. Ok. Ah, Eh maintenant que bien, tu le dis, non, je ça rigole. va. Non, On a le ça va aller. premier. Comment on dit? On dit pas lecteur, non? Le premier Auditeur. auditeur. Voilà. De Astrid. qui s'agit-il? Et c'est Astrid, la grande fidèle Évidemment. de beauté imaginée. Salut Bonsoir à Astrid! tous et hâte d'écouter ce que Léa Carbo a à nous dire. Ouais, Cool, carrément. moi aussi j'ai hâte. Bah, Ouais, trop d'autant que sympa. Léa, là, t'as vraiment accepté juste après l'événement de nous raconter ça, donc c'est top. Et là, aujourd'hui, c'est Ouais, notre bah justement, 15e c'est trop live de cool. Beauté Imaginée. Ouais, ça va être Trop tout cool. frais. Non. Oui, au Alors, moins j'ai du les coup, trucs dans la je. tête ou pas. Ouais, carrément. Et dans la peau. Ah, ah, ah. C'est horrible, on est en Alors. décalé, je l'entends déjà. À chaque fois, ça fait ça quand Ah, c'est à mon mince. tour. Ah, bizarre. Et t'es Oui. en Wi-Fi, t'es en 4G? Non, ouais, je suis en 4G. Je vais peut-être mettre en Wi-Fi, enfin, attends. D'accord. J'essaye. En tout cas, ça promet une grande soirée, hein. Un auditeur. Je crois que Astrée a été rejointe par Oui. Claire. Salut Claire, merci de nous écouter ce Salut. soir. Alors, c'est parti pour l'introduction. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté. Et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Si ça vous dit d'être un jour mon invité, n'hésitez pas à me contacter. J'ai lancé la petite musique ambiance. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Ah non, Je crois que j'entends ça ne s'est pas entendu du tout. pas. Bon, décidément, je n'ai pas, a priori, le Ah, don ouais, non, de moi aussi, j'ai musique pas. sur stéréo, ça sonne pas bien à chaque fois. Bon, en tout cas, nouveau sujet ce soir pour ce live, les tatouages donc. Pour en parler, je suis ravie de te recevoir, Léa, en tant qu'invitée historique de cette chaîne Beauté Ouais, moi aussi, Imaginée. je suis trop contente. Tu as donc bien voulu. Comment? Oui, moi aussi, je suis trop contente. Pardon. Et en heureux, on plus, est ça encore en c'est. décalé. Ah, mais ouais! Bon, bah, on essaiera de pas trop se couper la parole. Et du coup, oui, Yes. tu as accepté de partager ton témoignage 48 heures après t'être fait tatouer. Merci beaucoup, C'est Léa. ça. Déjà, j'avais une première question pour toi. 48 heures après, est-ce que tu penses déjà un peu au prochain tatouage? Oui. Enfin, en fait, j'en J'étais ai d'autres sûre. en tête depuis longtemps, mais c'est horrible, c'est hyper D'accord. addictif. Bah, c'est Voilà. ça, Mais c'est souvent oui, ce qu'on j'en ai entend, en tête. Oui, ouais. j'ai hâte. Astrée? Ah, si, si, moi j'entends la musique, hein. Donc là, c'était bien, c'était pas trop fort. Ah, Ah, bah c'est trop alors bien je vais la alors. couper, du coup. Mais moi Non, non elle a plus, je dit l'ai c'est pas bien, mais entendu. pas trop fort, je crois. Parfait. Mais du coup, je voulais la laisser que pour l'introduction, donc hop, je coupe. Ah, ok. Et nous sommes rejointes par Juliette. Salut Juliette. Et Vito. Salut Vito. Merci à tous d'avoir accepté Salut. ce rendez-vous sur les tatouages, beauté, tatouages, témoignages et quiz sur beauté imaginée. On va commencer. Déjà, chers auditeurs, dites-nous en commentaire si vous avez un tatouage. Racontez-nous. Léa, on va en parler un peu du coup de tes différents tatouages. Donc, on vient de le dire, tu t'es fait, pardon, tatouer samedi. Combien tu as de tatouages aujourd'hui? Alors j'en ai quatre. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Voilà, j'en C'est ai un bon quatre. début, on peut dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter déjà la première fois que tu t'es fait tatouer, comment tu t'es préparé peut-être, en combien de temps tu t'es décidé? Ouais. Bah du coup, ouais, c'était il y a un an, du coup, la première fois que je me suis fait tatouer. Et je voulais. Enfin, j'étais en vacances avec une copine et du coup, j'ai décidé de me faire tatouer avec elle. Donc pas la même chose au même endroit, mais dans le même style, on va dire. Donc voilà, D'accord. c'est du coup, je m'étais préparée, bah pas. Enfin, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un tatouage, mais l'idée, je l'ai pas non plus mûrement réfléchi. Enfin voilà, c'est dans la semaine où on D'accord. a trouvé l'idée. Voilà. Ah oui, ok, il y avait un côté quand même assez, enfin relativement impulsif. sur, en tout cas sur Ouais, le choix bah du ouais, c'est tatouage. ça. Ouais, exactement. Et Voilà. d'ailleurs, alors on a Astrée déjà Alors, je qui n'ai pas de intervient. tatouage, par contre, j'ai accompagné Léa Carbo pour Oui. ses trois derniers tatouages sur les quatre. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi, mais voilà, j'étais là quand même. Parce que Astrée, c'est la seule qui fait des papouilles quand on se fait tatouer. Ah, c'est vrai. Ah, donc elle arrive Oui. à te détendre un peu en même temps. Ouais, c'est cool. Grave. C'était pas pour avoir un peu pas la voix du, tu sais, l'avocat du diable à tes côtés, un truc De qui quoi? Ah, essayait j'ai rien. plutôt. Désolée, ça n'a pas du C'était tout. pas plutôt. Elle incarnait pas ta bonne conscience à te dire. Ah, À oui, c'est ça. être plutôt Oui, réticente. elle n'est pas très fan. Non, mais en vrai, enfin, il y en a un qu'elle a bien aimé. Là, je suis contente. Voilà. Et d'ailleurs, Je sur verrai peut-être. Instagram. Ah ouais. Elle va peut-être nous dire. Sur Instagram, on a fait deviner ton premier tatouage, enfin la zone à laquelle correspondait ton premier tatouage. Et les auditeurs ont Oui. bien deviné qu'il s'agissait du bras. Ah. Et du coup, qu'est-ce que Ah, ça a bravo. donné niveau douleur, Léa, ce premier tatouage? Alors, celui-là, je pense que c'est un de ceux qui m'a fait le moins mal parce que du coup, j'étais tellement stressée. La veille, j'ai pas dormi de la nuit et tout, c'était horrible. Je regardais des vidéos Ah sur YouTube, ouais. genre de séances de tatouage pour voir genre à quoi ça ressemblait. Et je sais pas, Ouais. le bruit de l'aiguille et tout, et de la machine, c'est resté dans Ah. ma tête et tout. J'ai pas réussi à dormir, j'ai trop stressé parce que Ah je suis pas bête. ouais. Et du coup, je m'étais imaginé un truc horrible. Et quand je me suis allongée, que j'ai. Enfin, du coup, pendant, je sais pas, au moins 10 minutes, j'arrêtais pas de lui dire d'enlever l'aiguille et tout, elle arrivait pas à le faire, genre, j'étais trop Ah là chiante. là, Parce que j'avais ouais. trop trop peur, c'était horrible. Et D'accord. du coup, au final, elle m'a dit, bah, je te fais un point pour te montrer. Et j'ai remarqué que ça faisait pas du tout mal, quoi. Au final, Ah enfin, pas du tout ouais. mal. Genre, bien moins mal que ce que je pensais. C'était Et du coup, il y supportable. avait trop d'adrénaline. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais trop d'adrénaline, et du coup, j'ai pas senti. Alors qu'au final, là, ils m'ont plus fait mal, ceux-là. Donc, je pense que j'étais moins. Enfin, je Ah. me suis plus dit après, ah bon, bah, c'est rien. Du coup, ceux d'après, bah, Oui. j'ai trouvé qu'ils ont fait mal. C'est Donc, vrai que voilà. le rapport à la douleur, l'appréhension joue énormément, c'est très Ouais, particulier. c'est clair. Enfin, Carrément. Et Et puis du coup, aussi, tu la dis tête. Ah, pardon. les fois suivantes, t'en fais un peu plus mal. Ouais, un petit peu plus. Mais enfin, oui, carrément plus en fait. Enfin, notamment un que j'ai fait là, il m'a fait bien plus mal que le premier. Alors, on va écouter Astrée, et puis après, si tu peux nous resituer Ouais. où sur quelle zone sont tes quatre tatouages maintenant. Chers auditeurs, on vous Ok. dévoilera les tatouages de Léa dans la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Vous aurez la photo sur Instagram. Astrée. Non, j'ai abandonné depuis un moment déjà. De convaincre Du Léa, c'est coup, ça? ah. Alors, C'est ça. du coup, Léa, raconte-nous où sont-ils situés maintenant? Alors, du coup, j'en ai deux sur le bras gauche, le haut du bras. D'accord. J'en ai un derrière le bras droit, au-dessus du coude. Et j'en ai un sur la cheville. Voilà. D'accord. Et la C'est zone un la peu plus les empreintes. douloureuse? Ah, c'est Ouais, je celui vois. au-dessus du D'accord. coude. Au-dessus du cou. Ouais, du Du coude. coude ou du Ouais. cou? Ah, du Non, coude, non, du pardon. coude. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, En fait, j'aurais pas ça fait imaginé. violence. Ah, d'accord. C'est ça qui Désagréable, joue. mais encore, il est petit, donc ça passe, je pense que. Mais ça, sur un tatouage beaucoup plus gros, ça aurait été horrible, je pense. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et Mais ça fait bien moins mal que ce est-ce que je pensais au que... début, tu vois. Oui, en tout cas, tu as plutôt été rassurée. Oui, avant vraiment, je trouvais. Enfin, j'avais l'impression que ça devait être horrible de se faire tatouer. Et c'est en partie pour ça que je ne Ouais. l'ai pas fait pendant longtemps. Et au final, vraiment, c'est bien moins mal que ce que je pense. Après, je n'ai jamais testé des zones qui sont reconnues pour être douloureuses. Mais en tout D'accord, cas, comme ça le va. visage, Ça va horrible, j'imagine. quoi. Ouais. Ouais, il y a plein de zones qui font bien plus mal. Enfin, les bras, c'est ce qui fait moins mal, je crois, quand même. D'accord. Ah, ok. Et est-ce que c'est un élément qui entre en compte dans ta décision, la douleur, pour deux prochains tatouages, ou c'est pas du tout Ouais. quelque chose que tu prends en compte maintenant que tu connais? Si, quand même, parce que je sais qu'il y a des zones hypersensibles. Et il y en a. Enfin, en règle générale, c'est pas trop des zones que j'aime particulièrement. Mais il y en a, enfin les côtes du coup c'est le plus douloureux et je trouve ça joli du coup je pense que je le ferai jamais. Mais du coup oui D'accord. ça me restreint un petit peu quand même. Mais après ça me dérangerait pas de faire des trucs qui font un petit peu plus mal si c'est des petits tatouages tu vois. Mais les côtes je pense que du coup je le ferai jamais parce que de ce que j'entends c'est horrible. Ah, c'est vraiment. Ah, ok. Ouais il y en a plein D'accord. qui tombent dans les pommes et tout donc voilà j'ai pas envie que Plus ce soit mon plus but. que le visage. Ouais, bien plus Dans que le les pommes, visage. Au final, carrément. enfin, oui. Ouais. Et puis le visage, c'est quand même moins fréquent. Mais Ah oui. en fait, c'est quand il y a des os surtout que c'est hyper douloureux. D'accord. Donc voilà. On a Samantha qui nous a rejoint. Salut Samantha. Dis-nous Samantha si tu Salut! es tatouée. Partage-nous ton éventuel tatouage si tu en as un. Et Oui. du coup, autre question, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes influences au niveau de tes tatouages? Pourquoi pas la première personne un peu stylée avec un tatouage dont tu te souviennes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a Alors, marqué? bah déjà, j'ai quelques potes à moi autour de moi qui ont commencé à en faire et à passer le pas, du coup ça m'a donné envie ça. Mais sinon, une fille que je Ouais. suivais depuis longtemps sur Insta qui a des tatouages et j'aime bien, enfin elle a que des petits tatouages. Alors, par contre, son nom il est imprononçable, un truc genre Golocho Glova. D'accord. Je sais pas comment ça, je sais pas trop comment ça s'écrit, Je connais pas, ouais. mais je crois qu'elle est un peu connue quand même, enfin, c'est une influenceuse. Enfin voilà, pour ceux qui aiment bien les tatouages, peut-être D'accord. qu'ils aimeront. Enfin, c'est des tout petits tatouages, mais elle en a vraiment plein partout et j'aime bien son style. Ah, Voilà, c'est cool. d'accord. Ok, Et sinon, ouais, c'est quand ça même t'a plutôt mes poussé. amis qui m'ont donné envie. D'accord. Parce que je me suis dit, bon, bah, s'ils le font, c'est que c'est pas horrible, je peux essayer et tout. Donc, voilà. Ouais, ça t'a motivé. Et est-ce que pour toi, un tatouage doit toujours avoir une signification ou pas forcément? C'est Léa qui posait cette question, Léa samedi, fan mystère, Ah oui. dans le live sur les Indie Ones. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Oui, bah, du coup, moi j'ai deux tatouages avec signification et deux sans. Du coup, je trouvais que c'était important pour les premiers. Parce que je me suis dit, comme ça, pour la première expérience, je veux être sûre de voir après si genre, je regrette pas juste derrière ou des trucs comme ça, enfin voilà, d'avoir fait un tatouage. Du coup, je me suis dit, si c'est significatif, je pourrais sûrement moins regretter que juste un dessin comme ça. Et du coup, Ah comme les oui. premiers, j'ai vu que ça s'est bien passé. Enfin, bon, après, j'ai regretté encore, mais juste de voir au moins comment je prends le fait d'avoir un tatouage, quoi. Et du coup, pour ceux Ouais. d'après, je me suis dit que j'étais pas obligée de faire avec une signification. Donc, voilà. D'accord. Vous, chers Le truc, c'est que j'ai auditeurs, pas non plus dites-nous. 50 trucs à me mettre. Putain, pardon, désolé, on est gravement décalé. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, fini, tu disais t'as pas 50. Oui, j'ai pas 50 idées de choses à me tatouer qui ont particulièrement une signification, tu vois. Et comme j'aimerais quand même en Oui, avoir pour pas mal, l'instant. enfin pas mal, voilà. Il faut bien que, enfin, je vais faire des trucs pas significatifs parce que sinon, voilà, j'aurais plus rien à D'accord. me faire. Parce que toi, dans ta vision, tu voudrais en avoir combien et à quel terme? Je sais pas trop, bon après pas, enfin pas non plus 20, mais je sais pas, je pense une petite dizaine, mais des petits, un peu. Ouais. Enfin, je veux pouvoir être caché, quoi. Je veux pas faire genre sur les mains ou des D'accord. trucs trop. Voilà. Je Ah veux quand oui, même pouvoir ok. le Ouais. cacher si Toujours je pouvoir le dissimuler, mais en avoir des petits un peu partout. L'influenceuse dont tu veux. parlais que tu trouves inspirante par rapport à ses tatouages, elle en a combien en tout? Oh, alors, elle, je sais pas, mais elle en a vraiment pas mal. Mais comme c'est des petits, je trouve que ça va, ça fait pas tout noir, tu vois. Enfin, j'aime Oui, bien. Mais attends, oui, je vais oui. essayer de rechercher son nom, comme ça, enfin, je sais Ah pas oui, si vous comme ça on voudrez pourra voir après. regarder. Bah ouais, ça rend Alors. curieux de voir les Donc influences et tout c'est ça. Golo, Golo. Tcho, ouais, Tcho, Glova. Golocho En effet, c'est pas le nom le plus facile. Glova. Et chers Oui. En plus, auditeurs, elle trouve trop joli. racontez-nous, dites-nous. Dites-nous si pour vous un tatouage devrait toujours avoir une signification ou est-ce qu'il peut simplement être joli sans signification. Est-ce que aussi tu te verrais, toi, Léa, faire un tatouage en commun avec quelqu'un? Bah oui ça me dérange pas bah du coup comme je te disais le premier que j'ai fait bon c'est pas en Oui. commun non plus mais du coup c'était Mais c'était un. avec une copine à moi ouais Ouais. Un on s'est effort fait commun. dans le même style tu vois on a fait une fleur toutes les deux Ouais. D'accord. Et du coup, voilà. Enfin, on a fait un truc quand même perso, du coup, parce qu'on a fait notre fleur de naissance, chacune. D'accord. Et voilà, donc c'est quand même personnel, donc ça faisait pas trop tatouage en commun, mais on y allait ensemble, on a fait un peu le même truc, voilà, donc c'était cool. D'accord. Mais ouais, donc du OK. coup, quand c'est amis et famille, ça me dérange pas, bon, ça dépend qui, mais voilà, je trouve ça chouette. Après, quand c'est genre ton copain ou ta copine, je suis moins fan. Enfin, je ferais jamais ça, quoi. Ah. Tatouage en Oui, commun tu avec trouves mon pourquoi copain ou ma copine. c'est trop risqué? Bah, là, pour le coup, je trouve ça plus risqué qu'une amitié. Et puis, Ouais. une amitié encore, tu sais, tu peux te dire, bon, bah, on a partagé des bons moments, enfin, avec ton copain aussi, mais il peut y avoir plus de haine, je pense, tu vois. Et je me dis, si à Oui. chaque fois que tu vois un truc à vie, surtout avec quelqu'un que tu connais plus, c'est un peu chiant. Alors que je trouve qu'un pote, bon, Oui. ça va. Puis Ouais. disons que les copains suivants éventuellement pourront réclamer leur nom aussi. Et à la fin, éventuellement, tu peux te C'est retrouver avec ça. beaucoup, beaucoup de noms partout. On Grave. a Juliette qui veut intervenir. Alors Juliette, Moi, j'ai pas de comporte-t-elle? tatouage, mais j'avoue que pour moi, c'est censé avoir une signification. Enfin, en tout cas, si je m'en faisais un, il faudrait qu'il y ait une signification. Ouais, je D'accord. comprends. Et on va un peu parler des limites, parce que forcément, le tatouage, c'est un sujet sensible, c'est toujours le sujet un peu Aussi. brûlant qu'un adolescent, par exemple, peut évoquer avec ses parents. On sait que ça peut être source de conflit et tout ça. Et toi, du coup, combien de temps t'as hésité? T'as dit, là, c'était en une semaine, vous avez décidé du motif, etc. Mais ça faisait combien de temps que tu songeais à te faire tatouer? Je sais pas, je dirais 1 an, quelque chose comme ça. Enfin, 1 an, peut-être un petit peu moins. Mais j'en avais déjà, enfin, j'en ai Ouais. parlé depuis le début avec mes parents, et du coup, ça allait, j'avais le temps de préparer la chose et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, D'accord. j'ai réfléchi pendant à peu près 1 an, je pense. Je me disais, ah, ce serait cool quand même, et tout. J'aimais bien l'idée, quoi, en tout cas. D'accord. Et justement, tes parents, comment ont-ils réagi? Ils en pensaient quoi? Bah, vu que c'était une petite fleur sur le bras, elle est assez haute, du coup, quand je mets des t-shirts manches courtes, on voit pas. Du coup, c'était un peu enfin, ils m'ont demandé de faire ça, un truc pas vulgaire et un truc où je peux le cacher avec un t-shirt. D'accord. Du coup, ils l'ont pas, enfin, ils l'ont D'accord. bien pris. Ils étaient contents pour moi, j'étais contente. Ouais, ils étaient un peu surpris, Ah mais ils ouais. étaient contents. Donc, ouais. D'accord. Et Enfin, ils m'ont pas interdit ou engueulé, voilà. oui, ouais, je vois. Et là, le fait que tu veuilles en faire assez régulièrement, ils sont toujours sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que ça leur fait pas non plus hyper plaisir. Enfin, je pense qu'ils veulent juste pas que je sois recouverte, mais je sais qu'en faisant Oui. des tout petits, et enfin, je sais que je vais pas être recouverte non plus, donc du coup, voilà. Ouais. Je vais Puis pas tu avoir des les tatouages partout, je veux juste rassures. genre, un petit peu. Oui. Le fait que tu veuilles pouvoir les dissimuler, j'imagine que ça les rassure aussi. Ils ont peut-être peur que tu regrettes un jour. Ça doit être ça leur source d'inquiétude. Bah ouais, tu sais, c'est plus pour le travail aussi, enfin, ou si tu dois te mettre dans des situations où c'est pas trop accepté, tu vois, d'avoir un tatouage. Je pense que sur ces trucs-là, ils sont pas Ouais. trop fans, tu vois. Genre pour un entretien d'embauche, Oui. voilà. Ils voudraient pas que ce soit Ouais, je hyper vois. visible. Ouais, d'accord. On a Laurie et Andrea qui nous ont rejointes. Salut les Coucou! filles. Merci de nous écouter. Racontez-nous si vous avez un tatouage et si pour vous, un tatouage doit avoir une signification. Et du coup, tu évoquais le travail. Donc ça, c'est aussi... est-ce que tu as pu être inquiète par rapport à ça, à ton futur emploi? Est-ce que déjà, tu te destines à un emploi qui est compatible avec les tatouages ou tu sais que tu devras plutôt les dissimuler? Bah, je pense qu'en entretien, il faudra quand même que je les dissimule. Ouais. Mais après, bah, je sais pas, en fait, je pense que ça dépend un peu dans quelle boîte tu vas, mais je pense que oui, je les dissimulerai en entretien, ça c'est sûr. Et peut-être que j'attendrai un petit peu le temps d'essai, puis après, ça y est, je mettrai des t-shirts. Ouais. Enfin, ouais, je pense que oui, je les Ouais, cacherai. Oui. Les bras, d'accord. ça va, c'est facile, tu vois, on peut pas t'obliger à être en manche courte. Tu peux mettre des trucs manches longues pour un entretien, c'est peut-être même mieux, je pense, tu vois. Et du coup, non, je me suis dit que ça allait aller, et voilà. De toute façon, ça va évoluer tout Ouais. ça, je pense que ça va aller mieux après. Oui, que ça va être de plus en plus démocratisé. Oui, c'est ça, je pense. Enfin, Bah, j'espère. on évoquera ce point dans le quiz en deuxième partie de Ah, cool. l'émission. Chers Yes. auditeurs, si vous nous rejoignez, on aborde ce soir le témoignage de Léa vis-à-vis de ses quatre tatouages, dont deux fraîchement réalisés samedi dernier. Avec courage, du coup, tu n'as pas pleuré, au fait, tu as gardé ton sang-froid samedi. Bah, faudrait demander à Astrée, mais non, j'ai pas pleuré, franchement. Mais oui, non, j'avais mal quand même. Oui. Mais Ouais. non, ça va, j'ai pas pleuré. Et du coup, nous aurons, comme d'habitude dans les lives de beauté imaginée, un quiz sur les tatouages pour tester vos connaissances Yes. sur ce sujet. D'ailleurs, Astrée, dis-nous si toi, de l'extérieur, ça t'a semblé hyper douloureux ou si, au contraire, tu as trouvé ça relativement anodin. Et d'ailleurs, Astrée a un Alors pour commentaire. moi, un tatouage, Oui. oui, je suis d'accord avec Juliette. Si je m'en faisais un, vu que je suis pas trop pour l'idée, faudrait peut-être une signification ou enfin, au moins quelque chose, enfin un truc à, enfin que le tatouage me fasse penser à quelque chose, je sais pas, pas juste D'accord. parce que je trouve joli un dessin, sinon je le fais sur une feuille. Et voilà. Sinon, après je comprends quand on a beaucoup que c'est relou de trouver une signification à chaque fois. Ah oui, je vois. Ok, Ouais. oui. Et Normal. Je crois qu'elle a envoyé une deuxième nous en spontané. avons. Ah, d'accord. Enfin, je sais pas si c'était la suite ou Alors. pas, mais. Je veux bien que tu le joues, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. Alors, est-ce qu'elle a gardé son sang-froid? Oui, elle a pas pleuré. Et c'était tout comme. Non, je rigole, mais elle faisait des Oh, têtes pas méchante. très. Ouais, elle a quand même eu mal. Et de ce que disait la tatoueuse, elle était quand même assez douillette parce que la tatoueuse s'était fait tout toute seule sur elle-même à des endroits assez horribles et elle Ah, avait l'air de d'accord. dire que les Ah endroits oui. où Léa se faisait tatouer, Oui, c'était ça allait. pas le pire. D'accord, Bah, de toute façon, oui, c'est ouais, comme je ok. t'ai dit, c'est les bras le moins pire, mais vraiment, mais je me suis dit, ah non, je passe pour une grosse merde. Bah écoute, C'était chacun drôle. sa sensibilité. T'en as quand même fait quatre, donc c'est déjà pas mal. On a Oui. Dorothea qui nous a Ouais. rejointe. Dorothea, tu peux peut-être nous dire si tu es tatouée et si pour toi un tatouage doit toujours avoir une signification. Et du coup, pour parler encore des limites, Léa, est-ce que certaines personnes de ton entourage ont essayé de t'en dissuader? Et est-ce que aussi, je te pose deux questions parce que je dois changer d'écouteur, ils n'ont plus de batterie. Donc, je vais Ah te laisser oui. répondre pour un instant. Est-ce que aussi, ça t'a fait hésiter d'avoir des tatouages, de savoir, est-ce que tu as eu des inquiétudes par rapport à la prise d'âge éventuelle ensuite? Ok. Bah, du coup, pour les personnes qui m'ont dissuadé, non, en vrai, pas trop. Enfin, à part mes potes, mais enfin, c'était pas vraiment dissuadé, quoi. C'est juste donner leur avis, voilà. Mais non, franchement, ça va. Et l'autre question, je sais plus ce que c'était. Ah oui, la peau. Enfin, pour le vieillissement de la peau. Bah, en vrai, je me dis que, bon, déjà, une peau fripée. Enfin, moi, du coup, j'adore les tatouages, donc je trouve que ça bosse sur la peau. Donc, une peau fripée, c'est pas très beau, donc autant qu'elle soit plus jolie avec des tatouages. Voilà. Mais je sais que pour certains, du coup, ça rend le tatouage trop moche et tout, mais après, il y a des moyens de faire des retouches et tout. Donc, voilà. Il Ah sera oui, d'accord, retouché ça c'est quelque à son chose que tu temps. peux. Des retouches pour transformer le tatouage ou pour l'améliorer du coup? Bah, les deux. Je peux faire les deux. Ouais, Enfin, du d'accord. coup, même moi, je me dis que mes tatouages, ils sont tellement genre petits et fins que si un jour je me lasse ou que je trouve ça vraiment horrible, je peux les changer. Ah oui, ok, Vu qu'ils sont assez fins, ça d'accord, se change c'est facilement. vrai. Donc, Bah oui. Oui, donc tu as quand même dans ça. tes choix. Tu as vraiment pris en compte un éventuel regret. Tu as voulu mettre toutes les chances de ton côté, on va dire, pour ne pas regretter après et pouvoir un peu Ouais. rebondir. Ouais, et puis en plus, c'est plus le style que j'aime bien, les trucs un peu fins, petits, du coup. Oui, en plus. Du coup, c'est Ouais. parfait. C'est parfait. Oui, j'avoue. C'est bon, ça va. C'est mieux tes écouteurs, là, quand t'as réussi à les mettre? Hop. Je cherche un petit câble en même temps. Ah. ils viennent de prévenir que j'avais une batterie faible. Alors, c'est dommage quand Ah même. oui. Est-ce qu'on a eu. J'ai cru entendre un audio. Ah, bah, on a Dorothea qui va nous raconter. Coucou les filles. Bonne soirée. Oui, moi Merci, Dorothea. Salut. actuellement j'ai ces tatouages. Je viens de faire il y a 3 semaines un autre. Et oui, je pense que. Enfin, c'est pas ce que je pense, mais je sais sûrement que les tatouages ont des. C'est des signes, il faut faire attention quand on font tatouer parce que déjà c'est pour la vie et ça peut beaucoup jouer sur le caractère, sur plein de choses en fait. Après, il y en a qui croient, il y en a qui font ça que pour la beauté, mais moi je trouve que si on fait un tatouage, faut qu'on comprenne pourquoi on le fait. Enfin voilà. Allô? Allô? Oui. Oui, désolé, changement Ça a d'écouteur coupé. Ah, compliqué de mon ok. côté. J'ai dit Merci merde, beaucoup du coup, ça a de coupé. refaire. Oui, Merci merci. de refaire de ton témoignage. Donc oui, toi, tu es plutôt partisane du fait qu'il y ait une signification. Et donc, cet tatouage, lequel t'a fait le plus mal, toi, de refaire, raconte-nous. du coup, nous avons... Qui est-ce que... Hop, qui nous a rejoint? Ah oui, Samantha est revenue, mais on ne sait pas. Samantha écoute régulièrement l'émission, mais je ne sais pas si elle a un tatouage ou pas. Cool. Peut-être qu'elle nous Ah partagera oui. son avis là-dessus. Du coup, enfin, dernière question, Léa, côté entretien, Oui. est-ce que je crois que tu as vu plusieurs tatoueurs pour tous tes tatouages, est-ce qu'ils t'ont tous donné les mêmes conseils Bah du coup j'ai d'entretien? vu que... Oui, non, moi j'ai vu que deux tatoueurs du coup. Ouais. Un pour le premier et après les trois autres c'était le même tatoueur. Mais du coup oui, en règle générale c'est les mêmes conseils, ouais. Enfin, Ah, d'accord. j'ai pas eu d'avis différent, même sur ce que j'ai pu lire sur Internet, etc. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, par exemple? Bah, du coup, faut se laver une fois par jour avec, tu sais, les savons pH neutre. Tu mets un petit peu de D'accord. crème, je crois. Dès qu'il est sec, tu mets de la crème. Et après, deux fois par jour, au bout de 2 semaines. Et voilà, pas d'eau, pas de soleil. Enfin, c'est un peu contraignant, en vrai, sur certains trucs. Alors Ah là, par oui, exemple, tu vois, ouais. il recommence à faire beau et je peux pas le mettre au soleil du tout, donc il faut que je couvre mes bras, donc Ah c'est oui. un peu chiant parfois. Et bon, là, après, c'est pas le moment, mais pas de bain, de piscine, tout ça. Donc D'accord. voilà, c'est un peu chiant, Ah pas d'eau de mer, enfin bref, c'est un petit peu relou, oui. Il vaut mieux éviter de le faire en plein été, quoi. mais... Oui, c'est ça, c'est pour ça que je me suis dit, je Du le coup. fais là, j'ai encore du temps avant de partir en vacances, du coup, je le fais maintenant. Ouais. Parce que le premier, je J'avoue, l'ai fait pendant j'avoue. l'été, il était bien, bien moins bien cicatrisé, il a moins bien vieilli. Ah, déjà, à un an après, tu Ouais. vois la différence? Bah direct, j'ai vu dès que ça a cicatrisé, parce que enfin, du coup, j'allais dans l'eau et tout. Enfin, j'ai fait gaffe, mais pas assez, je D'accord. crois. Ah, d'accord. Donc là, du coup, t'es plus. Ouais, tu fais Oui, plus là, je fais attention attention. suite à cette première Ouais, expérience. ouais. Ah, ouais, je vois. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Léa. C'était intéressant. On a pu voir un peu pour toi la symbolique du tatouage, etc. On Ouais, va j'ai du bien coup aimé tes passer à la questions, rubrique. Ah bah super. Pas de questions pièges dans Beauté Imaginée. De toute façon, c'est toujours le vécu, on va dire, que Ouais. j'interroge. Du coup, nous allons passer à la rubrique des auditeurs t'imaginent. Alors, tu étais déjà passé dans un précédent live, donc on sait déjà un peu Oui. ton âge, ce que tu fais dans la vie. Donc, C'est chers vrai. auditeurs, puisque dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté mon invité grâce à la force donc du podcast, de l'audio, nous souhaiterions, avec Léa, vous faire deviner déjà le style de musique que Léa écoute le plus. Si vous avez une idée par rapport à ça, dites-nous. Et aussi, on voulait que vous deviniez le tatouage dont Léa est la plus contente, en fait. Donc, on va en même temps, je vais les poster tout de suite sur Instagram, comme ça, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ça. Est-ce que Léa, tu peux jouer les témoignages pendant que je poste Ouais, tes je tatouages les sur mets. Instagram? Pas de souci. Alors, on a Astrée. Merci. Mince, comment on C'est fait? une blague de se Astrée. laver une fois par jour? C'est bête. Non, mais je voulais préciser qu'il fallait le faire, enfin, pas plus d'une fois par jour, quoi. Et avec Oui, du savon pH d'accord. neutre. Voilà. Et D'accord, il y ouais. a Dorothea qui a refait un audio, c'est cool. Alors, je ne fais jamais des petits tatouages, donc on peut pas dire que je suis douillette parce que franchement, je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais j'adore quand on me tatoue, Ouais. le bruit de la machine. Ah. Franchement, c'est là qui fonce pour moi. Franchement, Ah, quand je c'est fais un drôle. tatouage, je kiffe. Mais le plus mal que j'ai eu, c'était en dessous les seins. Donc, c'est un Ah oui. endroit, les filles, si un jour vous souhaitez faire Bah un les tatouage côtes, en du dessous les coup, c'est seins, ça. Ouais. soyez prêtes que vous allez Ah. pleurer, même. Ah ouais. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu super, super mal parce que c'était une écriture quand même, voilà. Et en plus, il remplissait et bah, en fait c'était horrible, 1 heure et demie. Mais on a fait ça en Une heure premier et parce demie. qu'en fait le même jour, j'ai fait les 3 tatouages. D'accord. Donc voilà, le plus mal j'ai eu, oui, c'est en dessous les seins. Donc c'était. Ah ouais. Donc les côtes que tu évoquais, Léa, c'est ça en fait. Ouais, Là, je c'est pense ça que. correspond. Ah là Ah là. mais Ah tout le monde ouais, est d'accord que courageuse la réponse est Dorothea. horrible. Ah là là, 1 heure et demie en plus à souffrir comme ça. Bien joué. Ah Et ouais. toi, Dorothea, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui te font hésiter avant de te faire tatouer? Ou pour toi, maintenant, enfin, tu pourrais ne pas t'arrêter, entre guillemets, comme tu parles de kiffance, pour reprendre Oui, ton c'est vrai. expression, lors du tatouage. Alors, qu'en pense Astrée? Alors, je dirais du classique pour Léa, classique jazz. Musique classique? Ah, jazz. On va voir si Juliette est de cet avis. Moi, je pense que Léa écoute du jazz et du classique. Ah tiens, Trop bête. même vanne parce qu'elles savent très bien ce que tu écoutes, Bah, Astrée. bravo Dorothée, ça avait pas l'air d'être Une sympa partie de plaisir. Enfin si, tatouage. pourtant. Oui, si. Malgré ça, Dorothée a beaucoup beaucoup apprécié. Astrée encore. Léa Carbo, je dirais que mon tatouage préféré c'est l'écriture. Là en regardant sur Insta, je dirais en premier l'écriture, mais j'hésite avec l'ange et le démon. Ok. Ah, elle a rechangé. J'attends un petit peu, du coup, je sais Alors, pas du tout quand tu me dis. ouais, on va attendre. Est-ce que Claire, Laurie, Andrea, Charo veulent imaginer le style de musique que Léa aime le plus? Et est-ce que vous voulez imaginer quel tatouage Léa préfère sur elle entre donc la fleur, l'ange et le démon, du coup, et l'écriture? Mais l'ange et le démon, c'est lequel, Léa? Parce que moi qui ai vu les tatouages, Ouais, je c'est veux bien que tu celui qui derrière m'éclaires. dit qu'ils sont mal faits. Non, C'est mais ils celui m'avaient qui est l'air sous du tellement bras. gentils tous les deux. Ah, mais oui, c'est un petit Mais démon. il a des petites cornes. Ah ouais, d'accord. C'est un petit démon gentil, quoi. Oui, Ah, c'est ça, un bébé. c'est mignon. J'avais bien repéré l'auréole, mais du coup, j'avais pas fait attention Oui. au démon. Et le troisième, tu le qualifierais comment? Le troisième. Pardon? Le J'ai pas rond. compris de quoi tu parlais. Le Ah, rond, du coup. Tu bah, l'appellerais juste comment? un petit bonhomme qui dort. Non, mais il n'y a Un pas petit trop de bonhomme qui sens. dort. Ouais, Ah, mais voilà. J'ai pensé il ça. est inspirant. Enfin, il est intriguant parce Je trouve ça qu'il mignon. y a un côté cyclique qui est sympa. Oui. Et lui, par Ah, exemple, comment? comment tu l'as trouvé? C'est toi qui l'as dessiné ou tu Non, as pas du trouvé tout. le. Ouais. Ouais, non, souvent je trouve sur Pinterest les idées. Le premier, c'est ma mère qui me l'a dessiné. Le Ouais. deuxième, c'est mon père qui me l'a écrit, du coup, parce que c'est un mot. D'accord. Et après, les deux autres, du coup, c'était sur Pinterest. Et donc, ma mère, elle change un petit peu parfois. Et après, j'envoie au tatoueur. Et parfois, il D'accord. rechange aussi. Mais généralement, j'aime pas. Et Ah, d'accord. du coup, je dis généralement, alors j'en ai quatre. Ouais, Ça mais m'arrive une il fois. y a une petite, il y a quand même une petite tendance qui se dessine, quoi. Alors, Je Astrée. tiens à préciser qu'on ne s'est pas coordonné avec Solène, Ouais, avec c'est Julie. clair. Ah, trop drôle. Même humour, Astrée, Juliette. Dorothea? Bah, je pense Léa, elle pouvait bien aimer des sons un peu mix, un peu Ouais. des mix un peu DJ, un peu comment dire, un peu deep house, un peu le house, peut-être. Je sais pas, bah, peut-être elle est mélomane. Peut-être elle écoute tout, hein. Ah ouais, on va le savoir dans un instant. On voit Astrée. souvent Charo, mais je l'ai rarement entendu intervenir. C'est fou, pourtant il a l'air d'être Mais un grand fan. j'ai plusieurs auditeurs fidèles, mais qui sont plus à l'écoute que dans comment dire, que extraverti comme toi, Astrée. C'est vrai. Dorothea? Franchement, j'ai une histoire avec tatouage. Enfin, j'ai toujours voulu faire. Et Ouais. le tatouage, en fait, mon premier tatouage, c'était comme ça. Je suis partie, j'avais 18 ans, donc voilà. Je suis partie dans un salon, j'ai montré le dessin. Et je demandais le prix, tout ça. Et il me dit, bah, il n'y a pas de souci, voilà. Donc ça Ouais. va coûter tant. Et il me dit, bah, on peut faire quand? Il me dit, bah, tout de suite. Et j'étais là, j'étais pas prête en fait, j'étais juste venue pour faire un renseignement, mais en fait je me suis fait tatouer. Et Ah ouais. voilà quoi, et après j'ai stressé un peu, mais du coup j'ai cru que ça va être beaucoup plus mal que j'ai imaginé. Mais en fait, voilà, j'adore en fait, j'adore. Je suis un peu, peut-être je suis masochiste en fait sur les bords. Hein. Ouais, Putain, c'est trop bien. bah Mais c'est fou parce en que j'ai même temps, l'impression ça. que. Ah, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Désolée. Ah, oui, je disais que j'avais l'impression que y a une... enfin, y a quand même pas mal de gens qui expliquent des histoires où ils ont eu peur au début de dire à leur tatoueur ce qu'ils pensaient vraiment. Enfin, et je sais pas pourquoi on est gêné face à eux alors que pas du tout. Enfin, tu sais, Ah genre, qui ouais. disaient qu'ils aimaient pas trop et au final, ils se sont dit, bon, bah vas-y, pour pas le vexer et tout. Enfin, même moi, du Ah coup, ouais. quand je suis allée la dernière fois, là, j'ai pu un peu me dire ça, du coup. Je comprends pourquoi on est comme ça. Enfin, je pense que c'est au début, les premiers tatouages et tout. Enfin, il y a un stress Ouais. de dire au tatoueur que t'es pas d'accord, tu vois. Et du coup, dans le cas de excuse, attends, j'ai oublié le prénom, excuse-moi, de Dorothea, voilà. Dorothea, ouais. Bah, du coup, oui, c'est chiant parce que sur le moment, bah, ouais, t'oses pas dire non. Alors que oui, du coup, elle aurait pu, Oui. mais Bah, voilà, du coup, ouais, t'es un peu pris de court parfois. comme c'est le professionnel et que Ouais. on doit, il y a une histoire de confiance totale. On veut pas le vexer quoi pour pas, parce qu'il y Ouais, a c'est vrai. quand même un enjeu si on l'énervait, je me Ouais. dis. J'imagine que ça Oui, rentre c'est en compte, vrai, mais mais bon, quand oui, même. c'est vrai que c'est dommage parce que c'est nous après qui ressortons, On se fait qui un truc aurons à à vie vie son et art. on a tous les dire voilà. J'avoue, j'avoue. Alors, on a Astrée qui va intervenir et donc après, tu vas nous révéler le style de musique que tu écoutes le plus, Léa, et Yes. également le tatouage que tu as préféré sur toi. Je dirais que le troisième, Ouais. c'est un bonhomme qui s'est fait tout seul. La Juliette? pense que Charo est timide, mais il a besoin des conseils d'Alice. Oh, c'est vrai. Astrée? Moi, j'écoute pas, mais Possible. je participe. Pas mal, complémentaire du coup. Super. Alors, Léa, est-ce que tu peux nous révéler ton style de musique Oui. préféré? Bah, du coup, personne n'a trouvé. Celle qui se rapproche le plus, du coup, c'est Dorothea, je crois que c'est ça. Ouais. Mais non, du coup, j'écoute du rap français, donc vraiment classique, jazz, voilà la blague qu'elles ont faite sur les Ouais. Astrées. Non, ce n'est pas ça, et ce n'est pas non plus house et tout, j'aime bien, mais pas tant que ça. Voilà. D'accord. Dorothea? Bah après, c'est pas que je n'étais pas d'accord, en fait, on a mis du temps quand même. Il m'a dit comme ça va. Je disais non, je voudrais plus gros ou plus petit. Enfin, et puis il m'a bien très très très bien fait. Je suis en kiff avec ma rose. Et puis après, ça m'énervait parce que plus après moi, il y avait beaucoup de filles qui tatouaient des roses. Enfin voilà, j'étais là, mais franchement, vous pouvez pas. Au même Ah, endroit il y en a eu plus, une c'est ça mode. qui plus Ah, m'énervait en fait. bah oui. Mais en fait, non, c'était pas que j'hésitais ou que ce soit, parce que j'en ai vu des tatouages et franchement, des fois, je me dis, franchement, comment vous pouvez payer pour ça en fait? Parce que c'est tellement pas droit, c'est tellement Ah, moche en fait. Donc, ouais. je fais très, très attention et je cherche des tatoueurs dans le style que je souhaite en fait. Oui, Parce je vois. que, enfin, c'est important aussi. Je suis en train de voir ton Instagram, Dorothea, c'est Ah bien ouais, toi, du j'aime bien coup. tatouer moi aussi. Ouais, tu peux cliquer sur du coup le logo de Dorothea et après, dans les trois petits points, tu vas D'accord. avoir compte Insta. Je vois un super joli serpent, notamment sur l'avant-bras. Ah oui, tu as des photos Ah ouais, hyper alors attends, artistiques et on je vais voit le voir. fameux tatouage sous les côtes Ah qui ouais, a c'était dû chouette. être en effet douloureux. J'adore le serpent. Freaky. Très beau. Ouais, franchement, c'est très joli. J'aime bien. Bah, Ah ouais, merci ça devait d'en faire faire un, mal en là tout cas ici. de de ton témoignage. Ouais, ils te plaisent, source d'influence potentielle d'Orophéa. Ou là, Bah, j'aime ils bien sont un petit le peu serpent, gros. je le trouve vraiment joli. Ouais, c'est ça, c'est que Ouais. c'est un petit peu gros pour moi, mais le serpent, je le trouve très joli. Mais toutes les Ouais. pièces sont jolies, et du coup, ce serait chouette en plus petit, du coup, mais ouais, elles sont toutes belles. Voilà. Alors, du coup, nous allons passer. Ah, est-ce que... Non, pardon, tu n'as pas dit le tatouage que tu préférais, Léa. Ah oui, c'est vrai. Bah, je pense que mon préféré, c'est celui sur la cheville. D'accord. Mais en vrai, je suis un peu d'accord avec Astrid, du coup, elle avait raison. C'est celui sur la cheville, mais j'aime vraiment bien l'ange et le démon. Donc voilà. Oui. Mais je pense que c'est quand même celui sur la cheville que je préfère. Je suis d'accord que moi, c'est mon préféré, l'ange et le démon. D'autant plus maintenant que j'ai Ok. percuté que c'était un petit démon. J'aime bien Oui. le côté. Enfin, voilà, le paradoxe un peu entre les deux et avec le Oui. bisou en même temps. C'est assez Oui, mignon. c'est mignon. Astrée? Ah, j'ai regardé aussi le compte Insta de Dorothea, ils sont jolis les tatouages. Je vais m'abonner. Ah. Ah. Comme Bah, ça, ça, si j'avoue, moi Dorothea, aussi, je vais tu fais m'abonner. encore. Si tu fais 8, 9, 10, 20, 30 tatouages, on sera aux premières loges pour le C'est ça, ouais, savoir. je m'abonne aussi. Alors, nous passons à la rubrique vrai-faux. Donc, concernant les tatouages, ce soir, je vous propose cette question suivie d'une question bonus. Léa, tu vises quelle note? Bah, la meilleure, hein. Non, mais en vrai, je suis pas hyper calée, donc je suis pas sûre d'avoir une très bonne note, mais bon. En tout cas, je suis moins calée que le premier live. Voilà. Que sur les peaux grasses, beaucoup plus glamour. Ouais, c'est ça. Oui, je pense Et que je suis d'ailleurs, plus calée quelle sur note ça. avais-tu eu? Tu te souviens? Je vais retrouver la note que tu Je avais dirais entre eue. 6 et 7 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 12 Désolée, tu on avais m'a eu, donc appelé, très je suis bonne à note. côté. Ah non, pas du tout. Ok. Tu avais eu 9 sur 12. Ah bon? Ah ok, oui, Ouais, sur 10. pas mal. Ah oui, non. Mais je pensais que c'était sur 10. Ah Donc là, oui. tu Bon, vises c'est la cool. moyenne, c'est ça? Allez, ouais, un petit peu plus. 5 sur 8, tu vises. Ouais, allez. On va voir ça. Chers auditeurs, participez. Dites-nous à chaque fois si l'affirmation vous semble vraie ou fausse. C'est sympa quand vous participez et que vous essayez de répondre avec nous. Et le but, bien sûr, c'est d'apprendre. Pas de jugement, même si Juliette, on aime bien un peu se moquer de temps à autre, puisqu'elle détient le record. Du plus bas score, il faut le dire, sur le quiz beauté. Et avant de commencer avec la première affirmation de notre quiz beauté imaginée, écoutons Dorothea. Oh les filles, merci beaucoup. Franchement, c'est première journée, enfin premier jour, on va dire, sur stéréo français, parce que moi, je suis plus sur le Ah ben stéréo oui, russe et je fais beaucoup de russe. live sur la plateforme en stéréo mais russe. Ah ouais. Et si il y a quelqu'un, il y a des filles, des garçons qui souhaitent après faire un live, j'aimerais bien faire un live en français parce que j'ai jamais vraiment fait Oh. sur les thèmes Ah bah différentes, avec plaisir. sur les tatouages, sur des choses Oui. complètement à l'opposé. Donc voilà, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de Franchement. plaisir. Et puis j'ai regardé les tatouages, ils sont super super jolis, tes tatouages aussi, Léa. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon Ouais, bah c'est chouette bah pour le live, dis tu es donc. bien tombée, Dorothea, parce que moi je fais chaque semaine un live sur le thème de la beauté. Donc comme je vois que tu as un Instagram artistique et tout, je pense qu'on pourrait trouver un thème ensemble s'il y a un thème en matière de cosmétique ou de beauté, bien-être qui te dit, n'hésite pas à me le proposer, ça peut être très sympa. Et Bon, bienvenue mais sur merci. le stéréo français du coup. Oui, j'avoue. Alors du coup, c'est parti pour la première affirmation. Léa, Allez, tu es ouais, prête? prête. Un peu d'histoire. Les premières boutiques de tatouage en Europe datent d'un peu après 1850. Vrai ou faux, Léa, selon toi? Oh là, j'en ai vraiment aucune idée. Je vais dire au hasard, oui, vrai, mais franchement, j'en ai aucune idée. Alors, pour toi, c'est vrai, les premières boutiques de tatouage en Europe datent d'un peu après 1850. Astrée? Ah, moi j'aimerais bien entendre Dorothée en live. Je Ouais. trouve que l'accent est original et que Oui, ça change vrai, de nos non-accents, entre guillemets. vrai. Donc ce serait cool Ouais. de faire un live. J'avoue, On ouais. On avait deviné d'ailleurs l'accent d'Andrea à l'époque, l'accent portugais. Bah là, on ne pourra pas forcément faire deviner si on fait un live ensemble d'Orofea, mais on pourra faire deviner plein, plein d'autres choses, je pense. Alors, du coup, personne n'est inspiré par cette affirmation. Bon, eh bien, toi, tu as dit vrai, hein, Léa, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, bien joué, c'est vrai. Oh, j'ai eu de la chance. Les premières boutiques de tatouage en Europe datent en effet d'un peu après 1850. Un peu d'histoire du coup. Le tatouage le plus ancien qui a été retrouvé date de 5000 ans. Et initialement, le tatouage était un signe d'appartenance à une tribu ou un moyen superstitieux de se protéger. Et en Europe, la pratique du tatouage a d'abord concerné les prisonniers, puis elle s'est démocratisée. Et ensuite, les premières boutiques de tatouage ont ouvert à la fin du coup du 19e siècle. Parallèlement à tout ça, les tatouages bon, ont souvent permis voilà, de marquer les esclaves ou, je l'ai dit, les prisonniers moins sympas. Mais nous, aujourd'hui, on parle bien Oui. sûr des tatouages sympathiques, créés sciemment et tout, malgré Oui. la douleur. D'ailleurs, du coup, chers auditeurs, dites-nous si pour vous, c'est du masochisme de se faire mal comme ça. J'avoue. Du coup, on passe à notre Ouais. deuxième affirmation. Parce que Yes. est-ce que finalement, il y a d'autres... Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Ah bah le sport, en vrai, il y a de la douleur dans le sport et on peut être Oui, c'est totalement vrai. addict au sport. Donc c'est un peu une des Raison. caractéristiques de l'être humain, je crois. Ouais, c'est Alors, on vrai. enchaîne. En France, le nombre de boutiques de tatouage est en baisse progressive depuis 40 ans. Vrai ou faux, Léa? Ah, j'aurais dit faux. Je pense que... Pour Enfin, j'ai toi, c'est l'impression faux? que... Oui, j'ai l'impression qu'on en voit partout. Je pense pas qu'il y a 40 ans, il y en avait autant des salons de tatouage. Ouais, Donc non, pour ouais, toi, je il y en dirais aurait faux. plutôt de plus en plus. Ouais, c'est ça. Mais bon, est-ce que je me trompe? Mais ouais. Chers auditeurs, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, il y a de plus... Est-ce que pour vous, l'affirmation, c'est le nombre de boutiques de tatouage est en baisse progressive depuis 40 ans? Est-ce que vous êtes d'accord avec Léa sur le fait que c'est faux et qu'il y en a de plus en plus? Juliette, Claire, Laurie, Charo, Cricri, salut Cricri, Dorothea, Salut. Andrea. Alors, nous Et du coup, avons juste pour revenir sur ton truc Dorothea. d'avant, Ouais? là, j'étais surprise là du 5000 ans. J'étais absolument pas au courant. J'étais très surprise pour la Du question pardon, d'avant. du Du 5000 ans, 5000 ans. c'est Ouais, vrai, j'étais hyper c'est surprise. énorme. Ouais, je Ouais. pensais pas autant. Du coup, ça C'est devait marrant. sans doute être d'autres techniques, hein, mais Oui, c'est vrai. Ouais. de Oui, toute j'ai c'est façon, vrai. le principe de l'aiguille, ça doit être assez, assez ancien finalement. Ah ouais, non, mais Donc, franchement, je me rendais pas compte. ah ouais. C'est vrai que c'est énorme. Alors, Si. Dorothea. Moi, j'aurais dit faux. Parce que beaucoup d'artistes qui s'affirment de plus en plus aujourd'hui. Et en termes tatouage et des styles, c'est beaucoup. C'est très riche. Mmh, Ouais, donc, c'est vrai. Dorothea est d'accord avec Léa. Andrea, Je merci suis Andrea plutôt de d'accord participer. avec Léa. Je dirais que c'est faux. On va voir ça. Astrée. Allez, je vais dire oui. Je sais pas pourquoi. Genre, en vrai, je pense que c'est faux, mais pourquoi pas? Cri-cri. Je Merci dis de faux participer, également. Cri-cri. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Bon, Astrée, c'était Bonjour. pour être la seule. La seule à avoir faux, justement, parce que bravo à toutes, sauf Astrée, du coup, navrée. En effet, c'est faux, au contraire, hein. Il y a vraiment de plus en plus de boutiques de tatouage en France. Il y avait, dans les années 80, tu penses qu'il y avait combien de boutiques dans les années 80, Léa? Sur toute la France? Ouais. Oh non J'ai le mais j'en ai chiffre. aucune idée. Non mais là, je suis incapable de dire un truc comme ça. J'ai trop de mal avec les Ouais, trucs non, c'est pas évident. de... Si je te dis Ah oui, qu'aujourd'hui, dis-moi. enfin, qu'en 2020, il y en avait 2000 en France. Tu te dis qu'il y en avait combien dans les années Ah, je 80? pensais plus. Ok, alors attends. Je dirais... Je sais pas, 600? Il y en avait 15 apparemment dans les années 80 au début. T'imagines? Ah oui, C'était d'accord. vraiment marginal, quoi. C'était Ah un phénomène, voilà, enfin, un peu, ouais, anecdotique, entre guillemets. Alors Ah, c'est qu'aujourd'hui, fou. en effet, c'est... Ça n'a rien à voir. Donc, J'aurais quand c'est même dit plus vraiment que un 2000, phénomène en mais développement. je me rends pas compte. Ouais. Bah, étant donné que, si je ne me trompe pas, il y a 36 000 communes en Oui. France, bah, peut-être que si tu penses à la région parisienne, oui, tu as l'impression que, Oui, c'est sûr y en qu'il y a a plein de trucs pour pas faire, je mal dans pense. Paris. Mais il n'y en a pas dans chaque ville de Oui, c'est France non vrai. plus, tu vois. Donc là, il y en aurait une pour 18 villes. Bon, je ne sais pas si ce Je vois. calcul nous apporte grand-chose. On passe à la troisième affirmation. Pour l'instant, c'est un sans faute, Léa. Statistique. Yes. Selon une étude de l'IFOP sur 1000 personnes, voici l'affirmation. En 2010, 10% des plus de 18 ans étaient tatoués. En 2018, 18% des Français étaient tatoués. Vrai ou faux, Léa? Alors attends, tu peux répéter le premier, s'il te plaît, j'ai mal entendu. Enfin, Alors, donc là, on parle la d'une première étude de phrase. l'IFOP sur 1000 Ouais. personnes. L'affirmation est la suivante. En 2010, 10% des Français majeurs étaient tatoués. En Ok. 2018, 18% des Français majeurs étaient tatoués. Ok. Non, je pense que c'est faux. J'aurais dit plus pour les deux chiffres, mais bon. Donc pour toi, il y aurait plus de 18% de la population aujourd'hui de Oui, tatoués. même plus avant, je pense. Enfin, en tout cas, oui, je pense qu'il y a une croissance. Entre ces deux dates, Ouais. mais je pense que c'est un petit peu plus que ça. Du coup, je dirais faux. D'accord. Est-ce que ce sera ta première erreur ce soir? On va le savoir dans un J'espère instant. pas. Qu'en penserais-tu? Je dirais que c'est faux parce que les chiffres sont quand même particuliers. 2010, 10 et 2018, 18. Je te vois bien choisir ça comme chiffre. C'est vrai qu'il y a une certaine poésie dans ces chiffres, C'est vrai. cri-cri. Moi, je dirais vrai. Ça ne me choque pas, ce chiffre. Mmh. Eh bien, cri-cri, tu fais bien de ne pas être choquée, car c'est la vérité. Ah, Eh oui. on a eu tort alors. Est-ce que Juliette allait Je pense répondre que c'est bon? faux. Eh ben non. Dorothea? Moi, je pense aussi c'est plutôt Bravo. vrai que faux. Bien joué, Dorothea. Andrea? Moi, j'allais dire vrai, mais Bien quand joué. j'entends Astrée, je pense que c'était bien capable de faire ça. Donc, je vais dire faux. Oui, je reconnais que ouais, ça aurait pu, mais là justement, j'ai trouvé ça super comme chiffre un peu po poétique. Non, apparemment, c'est la réalité, c'est ce que cette étude de 1000 personnes a affirmé en tout cas. Du coup, Drôle. il y avait voilà, 10% en 2010 et 18% en Ok. 2018. Et apparemment, en France, toujours il y a 2 ans, la génération la plus tatouée correspondrait aux 25-34 ans. Il y a Ok. 31% des 25-34 ans qui auraient déjà été tatoués, quasi Ah oui, un d'accord, ok. tiers. Pour les 35-49, 26% a déjà été tatoué, Ah ou ont ouais, déjà, pardon, été même. tatoués. Et pour les D'accord. 18-24 ans, 22% ont déjà été tatoués. Ok, d'accord. Ouais, bah je pensais que j'aurais peut-être plutôt dit les jeunes aussi. J'aurais peut-être dit 18-24, le plus gros. En les plus gros. En même temps, tu Ouais, mais vois, j'aurais pas pensé ceux que qui c'était ont ça, eu pardon. 18-24 ans et qui ensuite ont un peu vieilli et maintenant sont dans les 25-34 ans, ils ont eu le temps de se le faire à l'époque. Et là, en plus, il y en a de nouveaux qui se le font à 27 ans, par exemple. Donc, du coup, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mécaniquement, il pourrait y en avoir de plus en plus. Par contre, ceux qui ont entre 35 et 49 ans, là, on voit qu'il y a une petite diminution du pourcentage parce que c'était moins démocratisé à cette époque-là, quoi. ouais, c'est vrai. Mais là, ça ne veut Oui, pas dire qu'ils le font à cet âge-là. Tu vois, les c'est 25-34 ans, ils qu'ils l'ont sont peut-être fait à tatoués, ouais. 18 ans quand même. Mais Oui, ok, ça, d'accord. je n'ai pas le chiffre, malheureusement. Astrée? Ne jamais m'écouter, jamais. Tu as entendu, Andrea, c'est la morale d'Astrée ce soir. Mais Astrée, tu es la grande gagnante du duel, du super duel de la semaine dernière Vrai. contre Louis, un pro de la beauté, un make-up C'est artiste. Donc maintenant, tu es une voix à suivre. respecté. C'est ça. Alors, du coup, quatrième affirmation, Léa. Les femmes sont plus tatouées que les hommes, vrai ou faux? Je dirais faux. Je pense qu'il y a plus d'hommes quand même. Pour toi, ce sont les hommes qui sont plus tatoués que les femmes. J'ai Juliette, l'impression. Claire, Laurie, Charo, Cricri, Andrea, Doro, Né, oh bah, qu'est-ce qu'il me prend? Dorothea, pardon, et Astrée. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'hommes de tatoués ou plus de femmes de tatouées, Juliette? Je dirais faux, je pense que ce sont les hommes. Andrea? Je pense que c'est faux pour cette affirmation. Donc là, toutes les trois, vous pensez que ce sont les hommes les plus tatoués? Il faut également. Je pense que ce sont les hommes. Astrée? Alors, je dirais vrai parce que je dirais qu'il y a plus de. Enfin, en fait, il y a pas mal peut-être de femmes qui ont quelques tatouages, mais qui se voient pas en fait. Donc, je pense qu'on a l'impression que les hommes le sont plus, mais je pense que c'est les femmes. Bien joué. La Encore honte Astrée? si je me trompe parce que je fais toute une explication éclatée. Eh non, mais du coup, t'as eu raison. Dorothea? Bravo. Vous pouvez m'appeler Daria, si c'est plus Ah, simple d'accord. pour vous. Et moi, je dirais que ça peut être. Je pense que les femmes sont plus tatouées, pour moi, je pense. Ah, bien joué, bien Ok, joué. bravo. Daria, du coup, plutôt forte hein, ce soir au quiz vrai-faux de Ouais, c'est beauté vrai. imaginée sur le thème des tatouages. Bon, Léa, pas trop mal, mais pour l'instant, t'es Non. moite-moite, quoi. Ouais. T'es à 2 sur 4 pour le moment. Et Astrée, c'est Bon. exactement ça, je pense. Je pense que les femmes ont souvent J'avoue. des petits tatouages qui peuvent être vraiment dissimulés, alors que les hommes, j'imagine que c'est souvent les bras, donc assez apparents en été, tout ça. C'est pour ça qu'on a plus cette impression-là. Ouais, Peut-être c'est vrai. aussi que c'est juste que la taille des tatouages masculins est souvent plus importante, donc on peut pas les rater. Et Carrément. Oui, voilà, il carrément. y a sans Oui, doute c'est vrai. plusieurs phénomènes. On n'a Astrée pas avec le les... témoignage d'un homme tatoué ce soir. Ah On oui, c'est vrai. est que des femmes ce soir, et Charo qui n'a pas voulu nous dévoiler s'il avait un tatouage ou pas. Alors, cinquième affirmation. Ah oui, je n'ai pas précisé. Il y a 20% de femmes tatouées, VS 16% d'hommes tatoués en 2018, toujours dans cette même étude, D'accord. sur l'échantillon représentatif D'accord, de ok. 1000 individus. Ah ouais. Cinquième affirmation. Il existe des différences culturelles importantes entre les pays concernant l'approche du tatouage. C'est en Corée du Sud, en fait, que le tatouage est une tradition incontournable. Il y a même une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats se faisaient des tatouages dessinés par leurs amis. Sans savoir de quoi il s'agissait. Vrai ou faux, Léa? Alors, je connais une émission comme ça, je me souvenais pas que c'était en Corée du Sud, mais oui, je connais une émission comme ça où tu te fais tatouer par tes amis, mais moi, dans ma tête, c'était américain. Mais bah, du coup, je vais dire vrai parce que ça me dit quelque chose. Donc, Voilà. pour toi, c'est vrai. Est-ce que les auditeurs sont d'accord? Est-ce que tu peux jouer les commentaires, Ouais, s'il te plaît? bien. Merci. Donc, il y a Juliette. Le message d'un autre auditeur est en cours de lecture. Je crois que tu as lancé un truc. Ah, non, pourtant. Bon. Alors, je clique pour voir. Je Ouais. dirais vrai. Ah, bah, Stéréo, Bah, t'as j'arrive pas à le snobé. jouer, T'as pas moi. le droit. Ouais, Essaye celui peut-être. d'Astrée pour voir. Alors. Non, le message d'un autre auditeur est en cours de lecture, il Ah, me dit. bizarre. Ok. Alors, je sais qu'il y a. Je crois que c'est aux États-Unis. Ils se font tatouer par leur ex ou des trucs comme ça. Et du coup, ils font des tatouages horribles. Mais Ah donc, ouais. je dirais vrai, il y a moyen que ce soit ici en Corée. Parce qu'ils sont un peu barjots parfois. Déjantés. Dorothea. Moi, je pense que c'est vrai parce que oui, je connais aussi une émission américaine où ils font des tatouages entre les amis et c'est plutôt des tatouages vengeance. Ah, comme Donc, moi, je Astrée. comprends pas trop le concept de cette série en fait, mais bon, pourquoi pas? Des fois, c'est drôle, mais des fois, c'est hyper hard en fait. C'est vraiment méchant des fois, mais moi, je dirais oui. Je dirais oui. Tu connaissais, toi, Alice, cette émission? Eh bien, du coup, je l'ai découverte en faisant les recherches. Alors, en l'occurrence, Ok. celle que j'ai découverte, c'est une émission anglaise, parce que les D'accord. Anglais sont très friands de tatouages. Donc, Ah, c'était un d'accord. piège. C'est faux. Ah. C'est faux parce qu'en Corée du Sud, c'est carrément interdit de porter un tatouage. Ah Et les tatoueurs agissent clandestinement et encourent même une peine de prison pour faire des Ah, tatouages. d'accord. Donc, en Corée du Sud, interdit. Ok. Tout comme au Japon. Au Japon, on ne peut pas rentrer Ouais. dans les spas. J'ai plus le terme japonais, mais Oui, c'est tout vrai. ce qui est spa et tout ça. Il y a écrit tatouage barré à l'entrée. Il y a une petite affiche parce que c'est associé au Japon à tout ce qui est mafia, yakuza et tout ça. Donc, c'est Ah, interdit. d'accord. Et donc, Corée du Sud, pareil. En revanche, en Angleterre, on a vraiment beaucoup de personnes tatouées. 21% des Anglais sont tatoués apparemment. Ah oui. Aux États-Unis, ils sont carrément 31% Oh. à être Ah ouais. tatoués de la population. Ouais. C'est énorme, Ah oui, hein? d'accord. Ouais, 31. c'est vrai que c'est Donc beaucoup. là, quasiment une sur Par trois. rapport à Qu'en pense nous. Astrée? C'est vrai, hein? Enfin, nous, du coup, on est quand même, on a dit 18. C'est pas non plus. Ouais. Oui. et enfin très très très faible, mais ouais, il y a des grosses différences culturelles sur le tatouage. Est-ce que en tant que qu'étranger, enfin au Japon du coup et en Corée, est-ce qu'on a le droit quand même d'avoir des tatouages ou on est Non. discriminé? Moi j'imagine qu'on Justement, l'est du coup. en tant que touriste, si tu veux te baigner dans un je crois que c'est les Onsen, si je ne me trompe pas, on va t'imposer en tout cas de mettre un sparadrap pour recouvrir le tatouage. Tu peux pas te présenter avec. Et Dorothea, Daria? Moi, je pensais plutôt en Corée du Nord qu'en Ah Corée du oui. Sud parce que je suis beaucoup de gens en Corée du qui habitent au Seattle, Corée du Sud, et je connais même un coiffeur que je suis. Il est complètement tatoué le visage et partout. Donc non, je trouve c'est plutôt Corée du Nord que du Sud. Ah d'accord. Ouais bah du coup en tout cas c'est vrai qu'on voit Complètement les. interdit qu'au Japon, je sais pas. Ouais. Peut-être, peut-être. Nous passons à la sixième affirmation concernant l'entretien. Le tatouage met environ 10 jours à cicatriser, Léa. Vrai ou faux? Bah, je dirais faux, je crois que c'est quand même plus long que ça. Enfin, en tout cas, les précautions qu'ils nous donnent, donc voilà, le nettoyage, etc., c'est pendant un mois. Donc j'aurais dit que 10 jours, c'était trop, trop petit. Mais peut-être que juste pour que ce soit cicatrisé, c'est peut-être ça. Je sais pas, mais non, je dirais faux quand même. Je crois que c'est un mois. Pour toi, c'est faux. Ouais. Alors, on a Hortense qui nous rejoint. Salut Hortense. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi j'ai Très entendu bien. dire qu'au Japon carrément pour faire un prêt ou pour avoir une assurance, ils te demandaient si t'avais un tatouage et ça pouvait être refusé si t'en avais un du coup. Ah oui, Waouh. d'accord. Ah ouais, ça va loin là. Ouais, Donc c'est clair. oui, soit il faut le dissimuler là pour le coup, soit le faire retirer, C'est ça. astrer. J'irai faux aussi, oui. Daria. C'est fort probable, et après ça dépend de comment cicatrise la peau, mais normalement c'est entre une, voire une semaine à deux, quoi. Un peu plus, quoi. Mais je pense, non, c'est une question piège, mais je pense oui. Parce que ça dépend de tatouage déjà, ça dépend de. Si c'est un petit tatouage, ça peut cicatriser en 10 jours, je pense. Si vraiment c'est petit, si c'est plus gros, ben voilà, là, ça va être entre 2 3 semaines, quoi. Je sais pas quoi répondre, c'est compliqué, hein. J'aime bien mettre des petits pièges derrière. Bah, derrière, est-ce que les tatoueurs t'ont donné des consignes différentes entre un tatouage grand et un peu plus petit, ou est-ce qu'ils t'ont donné la même consigne? Parce que c'est par rapport à Ah ça oui, j'avoue. que j'ai établi cette question-là. Cri-cri. Je vais être cher, je pense que c'est vrai. Claire, merci Claire de participer. Oui, je voulais juste préciser qu'au Japon, les tatouages doivent être cachés dans les onsen parce que Ouais. le tatouage est associé à la mafia. Ah. La mafia japonaise, donc c'est assez mal vu. Et voilà, c'est pour ça. Donc quand Daria disait qu'il y avait parfois un symbole, enfin, le tatouage pouvait représenter un symbole, là c'est vraiment le cas au Japon. Ah bah oui, un signe d'appartenance du coup. Et D'accord. Juliette? Je pense que c'est faux. Donc, tu n'es pas d'accord avec. Ah si, si, tu es d'accord avec Léa. Ouais. Daria? Et si oui, si on entretient bien, si on la nettoie, si on met de la crème, enfin, et la peau, moi je sais, j'ai une peau qui cicatrise super, super vite, quoi. Donc, on va dire faux. On va dire faux, mais je sais pas, ça dépend en fait. C'est vraiment très personnel. C'est sûr que selon chaque individu, il y a plus ou moins de temps de cicatrisation. Mais en tout cas, en moyenne, apparemment, il faut 6 semaines au tatouage pour cicatriser. Ah ouais, C'est ok. pour ça qu'il est conseillé apparemment de l'hydrater pendant 6 semaines. Est-ce que c'est ça qu'on t'a dit aussi, toi, Léa? C'est ce que j'ai Alors, trouvé dans mes recherches. bah moi du coup, ce qu'on m'a dit les deux fois et ce que j'ai pu entendre à chaque fois, c'était un mois. il fallait du coup se nettoyer avec le savon spécial et Ouais. mettre de la crème, mais après ça reste de la peau Hydraté qu'il toute faut la hydrater, vie. oui voilà, oui c'est ça. Donc forcément si c'est des zones que tu n'as pas l'habitude d'hydrater, il faudra le faire tout, enfin quand même souvent parce que voilà, faut pas que l'encre elle s'abîme, etc. Mais ouais, moi je crois qu'on me dit un mois à chaque fois. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, 10 jours, c'était pas assez, du coup. Ouais, Puisque non, non. si on vous conseille d'hydrater pendant un mois, c'est qu'il y a pendant un mois une cicatrisation en cours. Bah, c'est sûr que Ouais, c'est ça. lorsqu'il y a tatouage, il y a incision de l'aiguille, donc Ouais, c'est ça. une infection pourrait vite, vite arriver. Et C'est clair. c'est aussi par rapport à ça qu'il y a pas mal de consignes, tu l'évoquais, comme le fait de ne pas gratter, de ne pas aller à Ah la oui. piscine. Tu as réussi à surmonter les démangeaisons, à ne Bah, pas céder à sur la le... tentation. Bah, il y en a un des deux qui me gratte pas du tout et l'autre, oui, qui me gratte pas mal. Mais non, non, je touche pas parce Ouais. que... Déjà, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. Ça me dégoûte un Ouais. petit peu. Du coup, je touche pas. Et en plus je sais que ça peut vraiment faire un rendu moche. Et voilà, Avoir un quand... impact. Ouais. Ouais, franchement, j'ai pas envie. J'ai envie d'en prendre soin. Bah ouais, c'est sûr, c'est dommage. Ouais. Andrea. Je vais dire que c'est faux, mais je ne sais pas du tout. Ouais, bien joué, c'était bien Bravo. faux. C'était 6 semaines, en fait, ou au moins un mois, disons, selon les personnes, etc. Et cri-cri. Je ne Je Ah! vois que cri-cri s'adresse à Daria. Oui. Bah, c'est comme une opération en fait chirurgicale, on va dire. C'est vraiment ça, quoi. C'est une chirurgie un peu esthétique et que, enfin voilà, si on va gratter, si on va boire de l'alcool, il y a beaucoup de précautions en fait, parce que pour que l'image, le dessin, il soit frais, il soit joli, et qu'il Ah coule oui. pas et qu'il devient pas, enfin voilà, ça dépend de tout, quoi. Des infections, enfin des outils, c'est très important aussi. Non, les tatoueurs, franchement, c'est une chirurgie, quoi, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est tout un métier. Et C'est clair. d'ailleurs, qu'il vaut mieux se renseigner sur la personne qui fera notre tatouage pour voir si les règles d'hygiène, etc., sont bien, bien respectées. Est-ce que Daria, tu as Carrément. compris l'intervention de Cricri à l'instant, qui a priori s'adressait à toi en russe, même si je ne comprends pas le russe, c'est ce que j'ai compris. Alors, en attendant, on va passer à notre 7e affirmation. Léa, pour l'instant, Oui. tu as 3 sur 6. Ouf. Daria. Dada, ya poniela. Oui, j'ai compris. Ah. Ça fait plaisir. C'est Bon, drôle. bah, on ne peut que rire bêtement, parce que nous, Oui, on c'est n'a ça. rien compris. Mais ce soir, on fait dans l'interculturel sur beauté imaginée. La C'est cool. beauté et l'approche de la beauté dépassent les cultures. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Septième affirmation. Concernant le retrait des tatouages, 1 million de personnes en France auraient regretté un tatouage et l'auraient fait retirer. Vrai ou faux, Léa, selon toi? Oh, je dirais moins quand même parce que je crois que c'est quand même. Enfin, avant c'était vraiment pas top le laser. Je crois que ça va mieux maintenant, mais c'était vraiment pas top avant. Donc non, je dirais moins. Pour toi, Donc ouais, du coup faux. Pour toi, c'est faux. Est-ce que, chers auditeurs, vous êtes d'accord avec Léa? Juste Léa, juste avant, on est d'accord que tu avais eu bon pour Oui, ouais. en disant que c'était faux pour les 10 jours de cicatrisation. Alors, cri-cri. Pas si baba le choy, Daria. Là, je pense que ça voulait dire merci beaucoup, Daria. Parce que oui, j'ai quand même un don pour les langues astrées. Ah Peut-être qu'elle vous insulte en russe, on ne sait pas. oui. C'est clair. J'y vais. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore plus. Ah ouais. Plus qu'1 million de personnes astrées. Alors, t'as dit qu'il y avait à peu près bon, du coup 18% de Pas tatoués, mal. donc peut-être 11 ou 12 millions. 12 millions, on va dire. 1 million, ça me paraît beaucoup, mais en même temps, 1 sur 12, c'est pas énorme. Allez, je dis vrai. Daria? Non, j'ai dit quand j'ai compris, j'ai dit ça. Я поняла, спасибо. На здоровье. C'est joli en tout cas, Ouais. ça sonne très bien. Je vais Cricri. dire vrai aussi, moi. Et Daria? Moi, franchement, là, je vais pas réfléchir. Je vais redire que c'est pour faire retirer tatouage. Oui, c'est possible. Ouais. Ok. Pour 1 million, Juliette? C'est plus joli quand Daria parle russe que Cricri, si je peux me permettre. Mais au moins, Très Cricri gentil. fait l'effort. Astrée? Oui. Alors, Cricri, maintenant, tu n'as plus le droit de parler en français. Eh bien, du coup. Cricri? C'est pas sympa du tout. Alors, du coup, c'était faux. Si on extrapole l'étude, la fameuse étude sur l'échantillon de 1000 personnes interrogées, c'est 600 000 Français qui l'auraient fait retirer parce que c'était 1% de cet échantillon représentatif qui a fait retirer un tatouage. D'accord. 1% des personnes interrogées. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que c'est un nombre important ou pas, chers auditeurs? Bon, après, ce chiffre ne nous dit pas combien de tatoués regrettent, mais ne saute pas le pas de le faire Oui, c'est retirer vrai. parce que de ce que j'ai appris, c'est assez douloureux aussi Ah de le oui. faire retirer. Ah oui, bah c'est Du pire, hein, je coup, crois. ouais. Ah oui, c'est C'est ça. pire que de se Et les toi, faire d'ailleurs, enlever. j'ai oublié de te demander, est-ce que tu t'étais renseigné avant de faire des tatouages sur la possibilité de retrait? Bah déjà, j'espère que je vais pas les enlever. Ce serait Oui. bien. J'essaie de pas partir des fétiches. Mais bah en vrai, Ouais. là, pour l'instant, vu que moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense pas encore à ça. Je sais ce qui existe, tu vois. Je sais que le laser existe, mais je me suis pas renseignée non plus. Je D'accord. sais juste que c'est moins, enfin c'est bien mieux fait qu'avant. Et sur les D'accord. tatouages petits et fins, tu peux vraiment ne plus du tout voir le Mmh. tatouage. Mmh. Donc Mmh. voilà. Alors, Daria. Moi, je trouve qu'elle parle très bien russe en vrai, Ah. donc ça m'intrigue maintenant, tu te demandes comment Cricri peut, sur le stéréo France, bien parler russe. Peut-être que hein. Cricri a déjà vécu en Russie, Cricri. Juliette? Oui, moi je pensais que c'était plus une opinion, pas le nombre de personnes qui avaient réalisé le truc pour le retirer. Là, dans ce Ah, cas-là, ok, ah je suis d'accord, mais à mon avis, on a plus ouais. d'un million qui regrettent. Oui, je suis Ah oui, d'accord. Ouais. là c'était vraiment ceux qui ont fait retirer le tatouage, du coup, qui sont passés à l'acte, c'est vrai. Astrée? Franchement, 1%, ça va. Je m'attendais quand même à plus, sachant tous les gens qui se font tatouer le prénom de leur copain, des trucs comme Oui, ça, c'est vrai. avec qui ils ne sont plus après. J'aurais pensé Ouais. que ça aurait été plus, mais bon. Attention, ce n'est pas 1% des gens tatoués. Hein. C'est ça qui est un peu délicat avec cette étude, c'est que c'était Oui. 1% des personnes interrogées. Donc sur les 1000 personnes interrogées, il y en avait du coup 18%, donc c'est-à-dire 180. Oh là là. Oula. Ouh là là là là. Ouais. 180 qui étaient Ouh tatoués, là là, c'est si hyper je calcule compliqué. bien. Et il y en avait en fait 10 sur les 1000 qui ont répondu avoir été tatoués par le passé et avoir fait retirer le tatouage. Dorothea? Franchement, pour retirer les tatouages, c'est beaucoup plus cher que les en faire. Donc, ah ben non, Ouais. c'est pour ça, faut bien réfléchir avec sa petite tête avant de le faire. C'est exactement la conclusion que j'allais faire juste après, Astrée. Mais de toute façon, Juliette, tu comprends jamais rien. Cri-cri. Oui, j'ai vécu 3 ans et demi en Russie, mais ça date un peu, ça date de plus de 20 ans. Ah personne n'est parfait. Je plaisante. Bah oui, mais comme quoi tu as de beaux restes de cette période, Cri-cri. C'est Donc vrai. bien joué, Astrée. Ah oui, autant pour moi. Ah oui. Non, bah rien à voir alors. En plus, je viens Je d'insulter Juliette. Ouais, non. Bon, bah ouais. c'était une note vocale, j'ai envie de la rejouer, tiens. Ah oui, autant pour moi. Ah oui. Non, bah rien à voir alors. En plus, je viens d'insulter Juliette. Ouais, non. Bon, bah ouais. La fin est sympa aussi. Alors, du coup, pour conclure sur toutes ces informations concernant les tatouages, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord Léa, mais qu'on peut conseiller de bien réfléchir avant de se faire tatouer. C'est un Ouais, projet c'est vrai. important. quasiment irréversible. Autant être fier du tatouage que vous choisissez le plus longtemps possible en y ayant bien réfléchi avant, en ayant bien préparé ce projet si éventuellement c'est votre souhait. Alors, Juliette, et après nous avons la question bonus. J'attends Ah des excuses publiques sur le compte Instagram Beauté Imaginée. Alors, du coup, la question bonus, c'est un tout autre thème. En fait, c'est l'auditeur Steven, lors du live de samedi soir, qui nous a fait nous interroger sur la stratégie de L'Oréal et sur sa capacité d'innovation. On se D'accord. demandait, du coup, si L'Oréal était avant tout une entreprise gestionnaire qui aurait tendance à gérer un portefeuille de marque et à surtout faire de la vente, revente, rachat, etc. Ou si L'Oréal avait une vraie capacité d'innovation. Alors, du coup, Ok. je vais vous proposer l'affirmation dans un instant. On écoute Astrid Je d'abord vois pour que clore. Papa Ours vient de rejoindre le live. Est-ce qu'il a des tatouages, lui? Ah oui, Ah, j'avoue. Papa ours, est-ce que tu t'es fait tatouer un ours? Dis-nous tout. c'est vrai. Alors, je vois qu'il y a. j'ai une demande de co-animer de Cricri. Mais du coup, Cricri, merci beaucoup. On pourra organiser, si tu veux, un live ensemble par la suite. Là, ce soir, on s'est vraiment concentré sur le témoignage de Léa. Du coup, voici l'affirmation suivante. Ah, Cricri réagit. Désolée, c'était une erreur de manipulation. Je n'en doute pas. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Pour innover, L'Oréal mise vraiment tout sur le rachat des petites entreprises ayant récemment réussi. C'est là sa stratégie. Qu'en penses-tu, Léa? Oh là là, mais j'en ai tellement aucune idée. Je dirais faux. Je suis trop Tu nulle pour ça. dirais Ah, faux. deuxième demande de. Ah oui, de Carrie. Bah, merci beaucoup, Carrie, de t'intéresser à notre live. Mais ce soir, on s'intéresse, on a vraiment pris le prisme, enfin, l'angle de vue de Léa. Et, mais donc, tu peux avec plaisir commenter. Alors, Claire, Charo, Cricri, Astrée, Juliette, Laurie, Daria, Andrea, est-ce que selon vous, L'Oréal, finalement, pour innover, mise tout sur le rachat des petites entreprises qui ont réussi récemment? Dites-nous. Je crois qu'il y a une note vocale de Juliette. Super. Faux. Merci Juliette. Daria. Moi, je pense que oui, parce que L'Oréal, c'est quand même, il y a du L'Oréal professionnel et il y a du L'Oréal qu'on retrouve sur un marché, dans les magasins comme, je sais pas, Super U. Enfin voilà, c'est une autre De partie, grande donc je pense oui. consommation. Et en plus, j'ai travaillé avec L'Oréal parce que je Ah. suis une Ah oui? coiffeuse. Ah. Donc du coup, peut-être que tu veux dire tu veux dire que oui, L'Oréal mise tout sur le rachat des petites entreprises ou au contraire, L'Oréal a d'autres aussi d'autres ressources pour innover. Est-ce qu'elle est obligée de surtout racheter des petites entreprises ou est-ce que elle a aussi une vraie stratégie d'innovation en interne? Cri-cri? Moi, je dirais oui. Claire? Vrai, je pense. Personne d'accord avec moi. Et pourtant, Je vais pas Astrée? gagner. Oui, je pense. Allez. Je Andrea? pense que c'est plutôt vrai. Oh, Astrée? elle est Daria, si tu es coiffeuse, il faut que tu fasses un live sur les cheveux. Parce que Ah moi, bah j'en oui, avais fait un, carrément. mais je pense que j'ai apporté aucune connaissance. T'as raison, Astrée. J'ai même pas rebondi, c'est un thème tout trouvé. En fait, j'étais en train de réfléchir, moi, éventuellement, si Daria, ça t'intéresse un jour de faire un live avec moi sur Beauté Imaginée, de parler, pourquoi pas, de l'angle un peu interculturel, en fait. Éventuellement, si on pouvait trouver des spécificités, des modes en termes de beauté, etc., qui seraient propres à la Russie. Mais on peut aussi tout à fait échanger sur le thème coiffure. Grave. Daria? Je pense qu'il y a d'autres ressources quand même. Oui, d'accord. Donc tu penses plutôt que c'est faux comme Léa? Donc, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, Maintenant, je vrai. pense. Mais peut-être Du c'est coup, faux. Oui, je pense que tu. En fait, ma phrase est tournée un peu à l'envers. Je disais, pour innover, L'Oréal ne mise que sur le rachat de petites entreprises. Alors que là, si on se dit que non, elle ne mise pas que sur ce rachat-là, dans ce cas-là, c'est plutôt faux. Parce qu'en l'occurrence, c'est faux. Léa Ah. a vu juste. Et je crois que Astrée, peut-être aussi, avait vu juste, non? Ah, Ou je me j'ai l'impression que trompe? personne n'avait dit faux, mais je sais pas. Du coup, Alors, je pense que Daria? vous êtes la seule et Bon, bien erranée. sûr, Ah oui. ça, c'est quand même beauté, le cheveu, le soin des Tout cheveux, à bah, fait. même les coiffures artistiques, bah, des colorations. Donc, je pense que ça peut être très, très riche et très varié, en fait, ce thème. Donc, je pense qu'on peut bien Totalement. l'aborder. Ouais, vraiment. Totalement avec plaisir. Bon, on va organiser ça. Donc, c'est faux. Bien joué, Léa. Cool. En fait, apparemment, il y a vraiment un gros investissement hein, en recherche et développement chez L'Oréal. Il y aurait Okay. 3,5% du chiffre d'affaires qui serait investi dans tout ce qui est recherche et développement. Et Ah oui, ce ratio-là, ce budget-là, ce ratio-là, est le double de ce qui se pratique habituellement en moyenne dans les d'accord. entreprises beauté. Et OK. parallèlement, le groupe a tout de même 4100 chercheurs hein, dans ses Ah oui. départements de recherche et développement. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais on peut quand même, quand on lit leur page Wikipédia, on voit tout de même que chaque année, il y a une acquisition d'une nouvelle marque ou une vente. Ah oui. Donc, eux peuvent l'expliquer par leur stratégie officielle d'universalisation de la beauté, qui consiste en fait à être présent partout dans le monde, mais de façon uniforme, et donc finalement à acheter toute marque qui touche de nouveaux consommateurs. Mais dans l'ensemble, ils ont aussi des ressources en interne pour faire de la recherche et du développement. Eh bien, du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, moi, je vous conseille le site Tatoumi. Léa, je ne sais pas s'il y a un site que tu voulais recommander pour quand tu t'es renseignée un peu ou quand tu as cherché de l'inspiration. Bah, c'est pas un... Enfin, si, peut-être que c'est un site, mais c'est une application. Moi, je vais sur Pinterest beaucoup. Et sinon, bah, sur Insta, je cherche des tatoueurs souvent sur Insta pour essayer bien voir leur style. Et voilà, du coup, enfin, je sais pas trop quel... Enfin, tu mets des mots-clés sur le tatouage et sur le style de ce que tu aimes bien sur Insta. Et c'est cool pour trouver de l'inspiration. Donc, voilà. Merci de tes conseils en tout cas. Et puis du coup, ce soir, tu as eu la note de 5 sur 8. Donc bien joué. Oui, C'est exactement ce que tu avais j'ai posé mon bas super. visé. Et c'est Parfait. bientôt la fin déjà de notre live stéréo de beauté imaginée. Si vous avez des commentaires, des questions, c'est le moment, chers éditeurs. Léa, quelle info toi t'as la plus marquée dans le vrai faux? Je pense que c'est le dans le la première question, le 5000 ans là, ça m'a vraiment Ah surprise. Voilà. oui, ah Ouais, ouais, ouais, ouais. ah, c'est vrai que J'étais vraiment c'est choquée. impressionnant. Du coup, ça me donne envie d'en savoir plus sur la Ouais, technique qu'ils utilisaient. carrément. Je regarderai Mais ça tu penses pour que du coup, c'était le vraiment, prochain, quand ils la disent question tatouage, c'était bonus. vraiment du vrai tatouage? Ou Alors, c'était étant donné plus que autre chose que 5000 ans des après, peintures? ils ont réussi à retrouver cette trace, c'est qu'il Oui. y avait déjà une bonne technique pour faire pour Pour... garder ouais pour que la peau reste colorée mais Bah, peut-être que je c'était plus regarderai des ça. traces tu vois ouais Ouais. bah, je vais glisser je vais essayer de trouver ça pour la prochaine question bonus du coup du Ah, cool, prochain ouais. live. Le prochain live c'est la semaine prochaine, je recevrai Steven pour parler de beauté et de stress sous un angle masculin. Ça t'intéresse toi, ça te parle ce sujet Léa, Ouais, du carrément. stress et Bah, de son impact sur la beauté? oui, alors, bah, du coup, comme bah, un petit peu en lien avec le premier live qu'on avait eu, oui, quand même, quand je suis stressée, j'ai de l'acné, du coup, qui revient. Donc, ça me concerne sur ce point-là. Après, pas trop au niveau des cernes ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est surtout au niveau des boutons. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Est-ce que par hasard tu aurais une idée de question à poser à Steven ou une idée d'une caractéristique à faire deviner sur Steven dans la rubrique Les auditeurs imaginent l'invité? Ah oui, bah alors, est-ce que tu sais si lui, par exemple, il a des cernes ou des poches, enfin, si c'est plus ce sujet-là pour lui ou pas? Ah bah, je lui demanderai du coup. Parce que si Parce c'est qu'on a ça, je me commencé à suis l'évoquer dit. ensemble. Ouais, parce que Comment? je me suis dit, tu sais, il existe la chirurgie pour faire. enlever les poches. Et je sais qu'il y a D'accord. quelques hommes et femmes qui le font. Du coup, voilà, si c'est un problème qui, du coup, Parce que me du trouble, coup, est-ce qu'il serait capable? les poches auraient comme cause le stress directement dans ces cas-là, c'est ça? Bah, je sais que ça peut entraîner des cernes, etc. Enfin, je sais, non, je crois. Et du coup, je me dis que à force, enfin, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est vraiment ride ou stress. Peut-être plus ride. Je sais pas trop. Mais bah, ou peut-être même pour les cernes, peut-être qu'il existe des opérations. Enfin, est-ce qu'il serait prêt en tout Ah cas ouais, à faire de la d'accord. chirurgie, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, intéressant, intéressant, merci. Du coup, on va écouter les derniers commentaires de nos auditeurs. En tout cas, c'était super, vous avez beaucoup participé, hein. Il y a eu beaucoup Ouais, grave. d'échanges et ça, c'est toujours très sympa. C'est cool. C'est qui juste? Ce que tu dis, elle a vu juste. Bon, les interventions sont plus ou moins pertinentes, mais c'est très sympa de participer, Juliette. C'est faux. C'est faux? Mais de De quoi? Après. Ah, déjà à la fin, vous avez qu'une heure et demie. Claire? Ça vaut peut-être le coup de regarder les techniques utilisées dans les îles comme Tahiti et tout ça, qui sont, Ah bah, oui. ils font pas ça au laser dans certaines Ouais. tribus. Donc, on C'est voit un vrai. peu, je pense que ça devait être assez similaire la technique utilisée il y a 5000 ans. J'avoue. Bonne Ok. idée, ouais. Merci Claire. Ouais, je vais C'était regarder ça. Cri-cri. très intéressant en tout cas, on a appris beaucoup de choses. Cool. Avec plaisir. Tu nous as pas dit cri-cri si t'étais tatouée. Daria? Ah oui, c'est vrai. En tout cas, je suis contente d'avoir vous rencontré. C'était très très bien. Beaucoup beaucoup d'informations intéressantes. Et puis bah au prochain live. Merci Bonne beaucoup, soirée les Daria. filles. Gros C'était cool bisous de te rencontrer via stéréo. et passez une belle soirée à tout le monde. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Bah, à Sophie. bientôt, hein, Daria. Je pense que on va pouvoir prolonger cette rencontre sur stéréo prochainement. Claire? Quand on voit la technique utilisée en Polynésie, en fait, ils tapent comme s'ils avaient un petit marteau. Donc, ça Oui? doit pas Ouh être là là. très agréable. Oh Oh là là là là. Oh là là. Ah, je vais regarder ça, ça va faire peur. Ah ouais, horrible. Oh. Ah ouais, comme quoi, même si ça fait mal avec la technique actuelle, c'est toujours mieux. Eh Ouais, bien, c'est du ça. coup, je lance ma petite musique d'ambiance pour la conclusion. Merci Yes. beaucoup, Léa, de m'avoir accompagnée et répondu ce soir et d'avoir témoigné. Merci à toi. C'était sympa avec tes tatouages Ouais, moi aussi, fraîchement trop bien. faits. On te souhaite de bien les hydrater et de ne pas les exposer au soleil pour qu'ils perdurent le plus longtemps possible. Ouais. Merci encore, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée Léa et ses tatouages. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter sur Instagram, beauté imaginée, sans accent avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et donc, on se retrouve mercredi 16 à 20h45 avec mon prochain invité Steven pour parler de beauté et de stress. Et nous allons écouter les derniers commentaires avant Ouais, de c'est un nous peu le technique, quitter. le hand poke, que maintenant on voit beaucoup aussi des tatoueurs qui pratiquent cette technique, vraiment appuyer, vraiment comment ça, c'est une technique où on accroche une aiguille en dessous de la peau et on tape en fait. Ah, Oh là là, c'est horrible. ok, oh là là, Astrée. Très sympa comme live et j'aimais bien les interventions de Daria. Ouais. C'était ça changeait et c'était pertinent. C'est vrai. Ouais, carrément. C'est Pour une super fois, sympa. pas de. C'était pas. Certains auditeurs dans le quiz vrai faux ont tendance à apprécier la technique du pile ou face. Et Daria avait une vraie connaissance sur le sujet et les tatouages. Mais tous les commentaires sont bons à prendre et toutes les participations sont agréables parce que ça nous fait rigoler aussi. Donc c'est top. Merci tout le monde. Yes. À très Merci bientôt beaucoup, sur Alice. Beauté Imaginée. Merci Léa. C'est Bonne trop chouette. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bisous.